pour les fils de la rue, pas les fils à papa. Ceux qui luttent chaque jour, qui se battent pour leurs droits. Pour les gens généreux, le cœur sur la main. Ceux qui donnent sans compter, qui n'ont pas peur de demain. Pour nos frères et nos sœurs, nos pères et nos mères. Ceux qui triment toute une vie pour un salaire de misère. Pour la France d'en bas et tous ces oubliés. Les RMIs, les sans-papiers, tous les ouvriers. C'est pour ma vie, ces ruelles et tous ces habitants. Ces quartiers, son centre-ville et tous ces bâtiments. C'est pour les pilotes puis au plancher, au volant de leur Cova. Pour les bonhommes, pas les polos qui secouent la nouille sur du Chantal Goya. C'est pour les petits reufs qui poussent derrière. Et puis les miss qui bougent leur postérieure. C'est pour les gens frais qui se reconnaissent dans ce qu'on dit. Et qui nous disent, wesh les gros, c'est de la bombe, c'est pour quand le skull. C'est ma brat, c'est OP, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour les tiens, pour les nôtres, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour le 4-4 ou 4-9, c'est du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Voici notre richesse, issue du cœur, notre amour, notre âge. Pour ce qu'on rencontrait la faucheuse avant notre âge. Parce que les darons, c'est un soleil dans l'orage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Et pour ceux qui ont souffert d'eau, mais qui ont su réagir, c'est surtout pour les clodos dehors qu'on les lèvres gercées. Parce que le QTFOMC a pris des beats. Parce que le fait de tirer haut, ça fait un hit frais. Au plus bas bras, tout ça c'est l'histoire d'un mythe vrai. Du cœur à l'ouvrage, c'est un peu comme notre portée, frère. Donc ça fait bouge pas, car tu sais ce que te pute, frère. C'est pas pour les petites traînées, nous qu'on a les pics prêts. Toi quand t'as rien, sache un c'est du bif qui te prête. Et c'est pas des soucis qui te créent. Le bonheur te censure, si tu veux faire censure. Le taf est insensé quand l'illicite est l'ascenseur. Ça rend les faux, foutrage à imposer. Pour les vrais, d'un côté ceux qui t'encouragent à l'opposé. Les rares, je bave, moi j'ai opté pour le courage. Pour proposer du rap, je tape. Nous, on verra pas train, qu'on est de frappe. C'est pas brat, c'est OP, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour les tiens, pour les nôtres, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour le 4-4 ou 4-9, c'est du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Voici notre richesse, issue du cœur, notre amour, notre âge. Pour ceux qu'on rencontrait la faucheuse avant notre âge. Parce que les darons, c'est un soleil dans l'orage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Internationale actuelle, je suis extrêmement sceptique quant aux résultats. Notre arrivée a provoqué quelques surprises. Peut-être que si vous vous expliquez, c'est bien ce que je compte faire devant toutes les nations. Réunir ensemble, réunir ensemble. C'est pas brat, c'est OP, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour les tiens, pour les nôtres, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour le 4-4 ou 4-9, c'est du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Voici notre richesse, issue du cœur, notre amour, notre âge. Pour ceux qu'on rencontrait la faucheuse avant notre âge. Parce que les darons, c'est un soleil dans l'orage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. C'est pas brat, c'est OP, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour les tiens, pour les nôtres, c'est du cœur à l'ouvrage. Pour le 4-4 ou 4-9, c'est du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Voici notre richesse, issue du cœur, notre amour, notre âge. Pour ceux qu'on rencontrait la faucheuse avant notre âge. Parce que les darons, c'est un soleil dans l'orage. Du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage.